Votre mission dans la courte échelle, si vous l'acceptez. Votre mission dans la courte échelle, si vous l'acceptez. Et de faire écouter à vos auditeurs des artistes indépendants talentueux. Paparata, mon pote. Bienvenue à toutes et à tous pour ce dernier numéro de La Courte Échelle pour cette année 2021. Émission un peu particulière aujourd'hui car en effet, ce sont les artistes eux-mêmes qui ont été sollicités pour réaliser cette playlist et passer dans cette émission. Celle qui a été la plus rapide et celle qui mérite la première place de cette émission s'appelle Jeline McCarthy. Elle va nous interpréter Des Couleurs. Jeline McCarthy, vous l'avez découvert dans La Courte Échelle. Kiran a commencé la musique à l'âge de 7 ans. Elle a été récompensée quelques années plus tard par 4 prix de conservatoire. Elle s'est très vite produite sur scène en tant que pianiste. À partir de 2003, son chemin s'est orienté vers la chanson. La voici, Kiran, avec « Je suis moi-même ». La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Jusqu'au silence qui file au loin, l'incertitude berce souvent mes choix, à l'unisson ou bien on est moins. Je suis moi-même, surtout quand je suis seule, j'entends les autres parfois s'ils veulent. Je suis moi-même, surtout quand je suis seule, j'entends les autres parfois. « Il y a peu que nous avons découvert Judy. En effet, elle était dans la programmation de la courte échelle de la semaine 49. La voici pour vous avec To The Moon. Thank you. Antoine McGovern est un auteur, compositeur et interprète, et comme la majorité des artistes présents dans la courte échelle, il s'autoproduit. Il est originaire du nord de la France, il habite maintenant en région parisienne. Après une vie bien remplie, il est revenu à sa première passion, la musique. Le voici avec Les chemins que tu choisis. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. J'ai des images plein la tête, de vieilles histoires de conquêtes, sur une vie des plus discrètes, sans un seul jour que je rejette. C'est le récit d'une vie, sans détour, sans compromis. Sur les chemins que j'ai choisis, qui m'ont conduit jusqu'ici. J'ai connu bien des échecs, c'est que la vie parfois t'affecte. On te regarde, on te dissèque, comme le plus simple des insectes. Mais il me reste toujours l'envie d'avancer sans compromis sur les chemins que je choisis, qui me conduisent jusqu'à ton lit. Comme un écho, mais je vous en prie, dites pas un mot. Merci. Persévérer, toujours y croire, sur tous les jours de brouillard. Garder le cap, tenir la barre, vaincre tes peurs et le cafard. Garde toujours en toi l'envie d'avancer sans compromis sur les chemins que tu choisis, qui te mèneront jusqu'à mon lit. Nous avons fait un bout de route, nous avons eu parfois des doutes. On a fait face coûte que coûte, il n'y a plus rien que je redoute. Nous gardons toujours l'envie d'avancer sans compromis sur les chemins que l'on choisit, qui nous ramènent à notre lit. Un écho, mais je vous en prie, dites pas un mot. Merci. Bonne année. JLM, reste avec toi mon amour, c'est le titre de son album. En voici un extrait avec Ma rose éternelle. De couleur rouge ou jaune, protégé sous un dôme, pas immobile sous un globe, c'est bien moi qui t'englobe. Une vie perpétuelle, sans habitude mortelle, Oui, toi, ma rose éternelle, de tes yeux tu m'ensorcelles. Ta douceur me fascine, ta silhouette s'affine. Un vrai bain de jouvence, quelle belle attirance. Cela fait des années que tu me rends heureux. L'esprit jeune retraité, des moments chaleureux. Nos caractères amoureux, ton cœur si généreux. Oui, toi, ma rose éternelle, de tes yeux tu m'ensorcelles. Ta douceur me fascine, ta silhouette s'affine. Un vrai bain de jouvence, une bien jolie romance. Oh, ma rose éternelle, près de nous l'éternité, l'amour en pérennité, plaisir de te regarder. Je ferai tout pour te garder, avec toi vagabonder, tous les deux pour se seconder. Oui, toi, ma rose éternelle, de tes yeux tu m'ensorcelles. Ta douceur me fascine, ta silhouette s'affine. Un vrai bain de jouvence, de bien douce fragrance. Oui, toi, ma rose éternelle, dans mes yeux tu étincelles. Ta douceur me fascine, ta silhouette s'affine. Un vrai bain de jouvence, une bien jolie romance. Ilfin Song, c'est Alex Lebaille qui arrive à présent dans cette émission un peu particulière, puisque pour rappel, ce sont les artistes qui ont fait la programmation de celle-ci, étant donné que c'est la dernière de l'année. Rose éternelle, la courte échelle. Éternelle. Hey. ne présente plus Rémi Boisvaisseau. Le voici avec Lucy in Blue avec Patatrap. Importe peu pour moi. Je traverse le temps, même s'il me rattrape. Je signe et je persiste au gré de l'anonymat. Peut-être aimeriez-vous me voir passer à la trappe. Patatrap. Hey, hey. Oh ouais, patatrap. Patatrap. Mmh, ouais. Comment ça? Patatrap. Patatrap. Je bouscule la nuit. L'insomnie me guette, guet-apens du poète, aux étoiles qui luisent. Le rêve est un voyou, nous en sommes à quête. L'imaginaire vole au-delà d'une emprise. C'est la prise de tête électro-acoustique d'une guitare en bois qui s'accorde à me suivre. Alors bon viens, ma belle, en avant la zizique. Je t'aime en bandoulière et la valse m'enivre. L'éclosion d'une fleur qui distille son parfum sur la scène qui rime au fleuve de Paris. Ami, je vous parie qu'au rythme sans refrain que les flots de ma force emporteront les fruits. Il y a des chemins dont me parlent les pierres. C'est dans les toutes premières éditions de la courte échelle que nous avons découvert Paul David avec Belong to Me. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. These good days, my et la musique se transforme en cadeau. Oh, oh, oh, oh. Christopher avait lui aussi été avec nous depuis le début de La Courte Échelle, les toutes premières émissions. Le voici avec un extrait de son premier album qui s'appelait Premier Physique. Il est accompagné par les Rolling Sonotone. Voici Radio Edit. Quand la nuit doit s'en aller, tous les matins, ouvre l'œil d'un pied léger. Déjeuner tous les matins, branche la diversité. Une bonne fin d'après-midi, c'est Christophe Paré, on est ensemble jusqu'à 21h avec vos tubes favoris. Tous les chemins dans la nuit motorisée, tous mes chemins par ces ondes sont guidés. Nicky Orlando, pour sa part, nous a rejoint il y a peu. La voici avec Aquadimar. La courte échelle. Chiudo gli occhi e vedo sempre te. Vorrei dimenticare, ma non so perché. I miei sogni sono chiusi in fondo a me. Il mio cuore batte solamente se respiro aria senza soffocare, se c'è un po' di sole per illuminare la mia vita e ricominciare senza bugie per poter amare. Acqua di mare negli occhi miei, acqua di mare perché, perché vorrei. Perché vorrei, vorrei vendicarmi, spezzato il cuore perché hai distrutto il nostro amore, facendo danni come un temporale. senza motivo, solo per imbrogliare. Vado via, questo è deciso, sei un vigliacco e ti avviso, con i sentimenti non scherzare più, sino domani piangerai anche tu. Acqua di mare negli occhi miei, acqua di mare, perché, perché vorrei. Acqua di mare negli occhi miei, acqua di mare, perché, perché vorrei. Vorrei fermare il tempo per realizzare che ogni giorno mi sento troppo male, ed è per questo che devo rivelare i tradimenti, i colpi di pugnale. Guardare indietro non serve a niente, perché tu sei così negligente. Giro una pagina molto importante per sentirmi un po' più potente. Acqua di mare negli occhi miei, acqua di mare, perché, perché vorrei. Perché vorrei, perché vorrei. Acqua di mare negli occhi miei. Chaque semaine dans la courte échelle, il y en a pour tous les goûts, puisque à partir du moment où les artistes font partie de la scène indépendante internationale, ils seront représentés et chanteront dans cette émission. Et on ne présente plus maintenant notre ami du Canada, Guy Brière, avec « Ça va-tu ben ?» quand ça va ben. J'ai la bédaine qui sort du maillot, mon gros orteil veut voir le jour. Les petits oiseaux se donnent de l'amour, la tourterelle triste est heureuse. Fini les journées pluvieuses, y'a de la vie dans mon décor. Ah ouais, tout le monde dehors, ça va tu bien. Quand ça va bien, la météo t'enlève tes bas, ça va-tu bien. Quand il fait beau, qu'est-ce que tu veux de plus que ça, ça va-tu bien. Quand ça va bien, puis que tu t'appelles pas Alain. Il fait beau, il fait chaud, j'ai de la bière pleine le frigo, les enfants courent dans la cour. Les pyjamas de leurs amours, et moi, ma femme, ma merveilleuse, m'offre ses petites fraises juteuses et d'un comme un accord. S'ensuit un léger corps à corps, ça va-tu bien quand ça va. Ça va-tu bien quand ça va bien, puis que tu t'appelles pas Alain. Il fait beau, il fait chaud, j'ai des amis pleins, le patio, la musique plane tout autour, attirant ses gentils vautours. Ces rapaces s'en prennent encore à mon chaco. Ça va-tu bien quand ça va bien, la météo t'enlève tes bas, ça va-tu bien quand il fait beau, qu'est-ce que tu veux de plus que ça, ça va-tu bien quand ça va bien, quand le soleil est de notre bord, ça va-tu bien quand ça va bien, cause d'un accident, Perrine n'a pas pu continuer sa carrière de gymnaste. Qu'à cela ne tienne, elle s'est lancée dans sa seconde passion, à savoir la chanson, et elle a sorti un album qui avait pour titre Loin, et voici Couleur Argent. Je me souviens de ce jour qui m'enfermait chez moi. Mais cette fois, le destin était là sans me poser de lapin. Je ne m'attendais pas à te voir devant moi. On s'est effleuré un instant, on a figé le temps, t'as rendu mon cœur battant. J'ai vu en toi le plus beau des hasards, couleur argent, petit maladroit mais charmant, émerveillé, Alice dans le terrier. Je suis tombée, mais tu as su me dans ces jours où je n'attendais plus rien. T'as tout changé, comme si les saisons n'étaient que d'été. Je ne m'attendais pas à t'avoir. Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Le rendez-vous des artistes indépendants. La chanteuse belge Ludivine Brouet dans cette émission avec nous depuis pratiquement la première saison. La voici avec Besoin d'un blues. J'ai besoin d'un blues pour tout oublier. Besoin d'un blues pour me faire rêver, chasser mes idées noires, chanter mon désespoir. J'ai besoin d'un blues juste pour ce soir. Oui, j'ai le blues, encore la même histoire. C'est comme un cauchemar enfoui dans ma mémoire. tu files en douce. Tu sais, je suis jalouse. Je me ferai plus douce si tu me joues un blues. J'ai besoin d'un blues pour tout oublier. Besoin d'un blues pour me faire rêver. Chasser mes idées noires, j'endure mon désespoir. J'ai besoin d'un blues juste pour ce soir. Joue-moi. Tu me joues un solo. Besoin d'un blues pour tout oublier. Besoin d'un blues pour me faire rêver. Chasser mes idées noires, chanter mon désespoir. J'ai besoin d'un blues juste pour ce soir. J'ai besoin d'un blues pour tout oublier. Besoin d'un blues pour me faire rêver. Oui, rêver, chasser mes idées noires, chanter mon désespoir. J'ai besoin d'un blues juste pour ce soir. J'ai besoin d'un blues. Just give me some. Just give me some blues. Vous écoutez La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants chaque semaine, des talents à découvrir. Pioli est un auteur-compositeur-interprète varois. Il est obnubilé par la question du temps. Pioli écrit avec sensibilité et justesse des histoires qui nous transportent dans un univers musical très personnel. Le voici avec Pixel. Paraît qu'on a une chance sur deux d'être irréel. Simplement les personnages d'un jeu virtuel, un jeu sans continu et sans sauvegarde, avec je ne sais qui, je ne sais quoi, qui nous regarde. C'est vrai que si tu zoomes un peu, tu verras les pixels, les lignes de code dans ton ADN, la direction artistique est du grand art, mais y'a un problème de tutoriel. De nombreux avatars utilisent de mauvais logiciels. Mais si nous ne sommes que des pixels, si nous ne sommes que des pixels, je remercie celui ou celle qui nous a programmés comme tel. Car si nous ne sommes que des pixels, si nous ne sommes que des pixels, c'est pour sûr que j'ai décodé pour te dire je t'aime. We'll be right back. fait que de 1 et de 0. Si mon existence se résume en un jeu vidéo, sache que tu es le personnage principal de mon aventure. T'en es l'héroïne et non celle qu'on capture. Et si nous ne sommes qu'intelligence artificielle, une expérience à grande échelle, on doit être la résultante d'un bug, d'un problème, car notre amour n'a aucun pareil, non, aucun pareil. Nous ne sommes que des pixels. Si nous ne sommes que des pixels, je remercie celui ou celle qui nous a programmés comme tel. Car si nous ne sommes que des pixels, si nous ne sommes que des pixels, c'est pour sûr que j'ai été codé pour te dire je t'aime. Pascal Boulantin chante sur scène depuis près de 20 ans, en concert et dans les spectacles musicaux, principalement en France, mais aussi au Japon. Le voici avec Elle. Que j'ai décodé pour te dire je t'aime. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Elle fait de ma vie une épopée humaine. Dès qu'elle m'entraîne, sa langue me délie, place dans les airs, c'est un mystère. Elle sait me porter, elle qui prend mes rêves pour des réalités. Dans son monde invisible, où tout paraît possible, éclats d'hier, les trop pleins de colère, les détours sans lumière, les taux se desserrent. Je danse avec elle sur la clé de sol pour ouvrir notre ciel dans son monde invisible. Auteur-compositeur-interprète, il écrit exclusivement pour la chanson française. Certains diront qu'il a une écriture légère, subtile et poétique. Il est originaire de l'Aube. Le voici avec Rêve de gosse. Nos rêves s'effacent en grandissant, voler, voiler, par le temps. Nos rêves de gosse façon fleurs à se fabriquer par les grands. Tourne le temps, tourne les têtes blondes doucement. Sceller nos livres d'images de couleurs. Au grenier, nos panoplies d'explorateurs. D'explorateurs. Voilés par le temps, nos rêves de gosse effacent nos pleurs à ceux des grands. Et bien voilà, c'est terminé pour cette émission spéciale. Ce sont les artistes qui ont fait la programmation. On refera une émission comme celle-là juste après la nouvelle année, puisqu'ils ont été nombreux à répondre à l'appel. En attendant, et bien, je vous souhaite une très très bonne année 2022 qui arrive à grands pas. D'explorateur. D'explorateur. L'équipe vous souhaite une excellente année. Bonne année. Bonne année et bonne santé. Bonne année tout le monde. Bonne année. Bonne année. Bonne année à tous. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Sur votre radio.